Pourquoi changer de nom ? En février 2022, a été adoptée une loi visant à faciliter les démarches des citoyens désireux de changer de nom. La question du patronyme est sans doute l'exemple le plus frappant du rôle que joue le passé dans notre présent. Le fait d'avoir un nom propre est en effet au centre d'un double enjeu. D'une part, notre patronyme est un facteur essentiel dans notre identité individuelle, mais d'autre part, il nous rattache à une communauté, qu'elle soit familiale, religieuse ou nationale. Dans le cas français, c'est au XVIe siècle que le pouvoir royal s'est immiscé dans le processus de fixation des noms propres, en obligeant les curés à consigner dans les registres paroissiaux les actes de naissance, de mariage et de décès. Après la laïcisation de l'état civil sous la Révolution française, c'est Napoléon qui a imposé la législation moderne sur l'immutabilité des noms propres avec la loi du 11 Germinal an 11, 1er avril 1803, qui fixa aussi les conditions et les modalités de dérogation. À partir de ce moment-là, les procédures de changement de nom sont devenues très contraignantes. Aujourd'hui encore, elles exigent de fournir un motif légitime et c'est le ministère de la Justice qui valide ou non la demande après examen du dossier. Parmi les motifs légitimes reconnus par la loi, il y a d'abord la volonté de ne plus porter un nom considéré comme ridicule ou infamant. C'est le cas de celles et ceux qui ont hérité de patronymes comme Gros Mollard, Belle Verge, Connard ou comme Hitler, Mussolini, etc. Un autre motif considéré comme légitime, c'est le désir d'échapper à un patronyme rappelant l'appartenance à une communauté stigmatisée. J'ai déjà évoqué cette question dans ma chronique sur les noms à coucher dehors. Elle s'est posée tout particulièrement pour les Français d'ascendance juive. Entre 1803 et 1900, il n'y eut que 105 changements de nom concernant des Juifs et 300 entre 1900 et 1942. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les demandes se sont multipliées. 2000 changements de patronyme israélite ont été accordés entre 1945 et 1957, dont 64% en 1950 et près d'une centaine par an entre 1958 et 1978. Ces chiffres montrent le rôle essentiel que joue le contexte politique dans les choix individuels. Le traumatisme du nazisme et des persécutions a été déterminant dans le désir de renoncer à un nom qui exposait les individus à la haine antisémite. Sans doute, l'accueil favorable donné aux requêtes à partir de 1946 a-t-il aussi encouragé des gens à s'engager dans une démarche qui auparavant avait peu de chances d'aboutir. Dans le passé, parmi les Français issus de l'immigration, le fait de changer de nom a été parfois perçu comme un facteur d'intégration au sein de la communauté nationale, un moyen d'échapper aux discriminations rencontrées dans la recherche d'un emploi ou d'un logement. Mais depuis les années 60-70, comme les pressions assimilatrices de l'État central se sont atténuées, les descendants de ces familles immigrées ont souvent tendance à voir dans le changement de patronyme une sorte de trahison des origines. Il s'agit là d'un jugement de valeur que l'historien n'a pas à commenter car notre rôle n'est pas d'énoncer des verdicts sur l'identité des autres.